Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 30 août son décret numéro 1292 sur le décernement du prix de la réunification de la patrie à Kim Yang-gun et 10 autres personnes qui ont contribué à l'accomplissement de la cause de réunification de la patrie.